Bonsoir à tous, on est mardi, il est 17h30, c'est l'heure de l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour discuter hors visuel jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Michel Guimond qui va nous présenter l'exposition Fernand Leduc, qui nous présente les microchromies de Fernand Leduc à sa galerie. Également, Jean-Tiane Lafrance est allé faire un tour au Musée national des beaux-arts du Québec. Elle a vu l'exposition Incarnation, photographie de la collection du musée de 1990 à aujourd'hui. On reste au musée, on discute avec Anne-Marie Bouchard, commissaire de l'exposition 1950, le Québec de la photographie. Voyons, c'est donc ben pas facile. Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser, qui est présentée également au musée. Et on discute avec Raymond Poirier, qui nous fera sa revue de presse. Et là, tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Simon, qui est absent aujourd'hui, qui nous reviendra la semaine prochaine, mais qui a quand même pris la peine de faire une sélection. Donc, cette semaine, il nous a choisi l'album Sleepers, qui présente des pièces de Furnace et de Cataract. On s'en met tout de suite en oreille en écoutant la pièce Sleepers. De retour à l'aérospatiale où j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Raymond? Bien, notamment, il y a le Conseil québécois des arts médiatiques qui a soumis ses propositions autour de la notion de plan culturel numérique pour le Québec. On sait qu'il y a eu l'année dernière, en fait, une réflexion, un rapport qui a été soumis également. Il commence à avoir des mesures qui apparaissent ça et là du côté du ministère de la Culture et des organismes reliés. Et eux ont décidé de réfléchir un peu à quels éléments devraient être intégrés pour que ce soit le plus possible en phase avec les réalités du numérique et avec les réalités du milieu. Alors, on propose six solutions. Alors, premièrement, on parle d'un soutien qui serait nécessaire à la création numérique qui devrait se faire avant tout par le biais de mécanismes qui suscitent une implication directe des artistes et des organismes de soutien à la création qui œuvrent dans le domaine des arts numériques. On parle aussi du soutien à l'innovation artistique qui devrait passer par l'accès à des pôles régionaux d'innovation disciplinaire et intersectorielle. La notion du droit d'auteur dans le contexte numérique qui devrait être repensé en servant de modèle ouvert de gestion des droits d'auteur et de mode novateur de rétribution des créateurs de contenu en ligne. Il serait nécessaire aussi, selon eux, de soutenir les formes de création qui favorisent le partage et l'invention de nouveaux modes de partage des savoirs. Ensuite, de soutenir l'appropriation des formes de diffusion, de fidélisation et de mise en marché par le milieu culturel. Et enfin, on propose d'agir stratégiquement dans l'octroi de subventions visant le développement de nouvelles infrastructures et de nouvelles initiatives. Alors, en fait, si les gens veulent mettre la main d'ailleurs sur le rapport, le lien sera proposé tout à l'heure là, sur l'aérospatiale.wordpress.com. Sinon, on saute à Montréal. Tiens, on parle du Festival montréalais d'art contemporain, art souterrain, qui va être de retour, en fait, dès le 28 février et jusqu'au 15 mars. Une édition un peu plus resserrée, d'ailleurs, que l'édition précédente. On parle de 65 artistes qui seront présents sous le thème de la sécurité. En fait, thème plus global, c'est la sécurité dans notre société. Qu'advient-il de nos espaces de liberté? Alors, on parle donc d'une édition qui va présenter sur 6 kilomètres et selon 4 circuits souterrains les œuvres de 65 artistes, dont 3 Israéliens d'ailleurs, Merav Zrikri, Inbal Hoffman et Maya Landman. Israël qui est le pays invité cette année, presque logiquement d'ailleurs, dit-on, compte tenu du thème choisi, la sécurité est une variable incontournable dans cette région du monde. Et c'est une commissaire israélienne qui a choisi justement les artistes de l'endroit. En entrevue à la presse, le responsable de l'événement, Frédéric Loury, disait que leurs œuvres offrent un vaste aperçu de la sécurité personnelle, sociale et culturelle au-delà des frontières historiques, un aspect qui transpire d'origines humaines et universelles, adoptant les mythes, les traditions rituelles ancrées profondément dans la culture humaine. Voilà. On avait parlé il y a quelques semaines d'expérience de visite muséale pour les personnes non-voyantes. Eh bien, on est tombé sur une autre expérience, c'est via le magazine 3D and Native. On parle donc du musée du Prado qui serait accessible aux non-voyants, mais grâce à l'impression 3D. Alors, on invite donc les non-voyants à venir admirer des œuvres grâce au toucher. Pour recréer les tableaux, le musée du Prado recrute une technique donc d'impression 3D qui est appelée Didou, qui est développée par une start-up espagnole qui s'appelle Estudios Durero. Alors, pendant 40 heures de travail sur chaque image ont été nécessaires pour définir les volumes, les textures, avant de passer à l'impression 3D à partir d'une encre spéciale et l'application de procédés chimiques. Alors l'idée, c'est d'obtenir des textures et un relief jusqu'à 6 mm de hauteur à partir d'une photo en haute résolution du tableau. Ensuite, on fait un choix de texture, on fait un choix de volume, des choix qui sont évidemment capitales pour guider les mains de la personne malvoyante. Qu'est-ce qu'on choisit comme texture aussi? Est-ce qu'on choisit comme l'empattement? La texture qui ressemble à la peinture. Oui, mais en fait, c'est que ça a une importance fondamentale, mm-hmm. si on peut dire, pour pouvoir comprendre la composition ou le thème de chaque image. Alors, une expérience quand même assez intéressante. Ce sera d'ailleurs fait pertinent de voir un peu les retombées de tout ça et voir s'il y a d'autres musées qui feront des expériences similaires pour trouver d'autres manières de rendre accessibles les œuvres au-delà de la description ou, comme on avait vu du côté de Montréal, du toucher d'œuvres de type sculpture. Puis moi, je serais très intéressée aussi à le faire avec les yeux bandés. Là, j'ai vu l'article, puis on voit justement, il y a une personne qui a une sorte de bandeau là, sur les yeux, donc pour ne pas regarder. Puis je serais curieuse d'expérimenter justement la peinture à travers le toucher. Sinon, du côté de la Grande-Bretagne, en fait, je voulais le mentionner parce que les résultats sont quand même intéressants, mais aussi, c'est une tendance qui est, disons, un peu préoccupante à un certain degré. Alors, on parle du nombre de visites dans les musées britanniques qui a augmenté de manière assez massive. Là, on parle de pratiquement 49 millions de personnes qui ont été voir donc les œuvres du British Museum, du Science Museum, du Tate Modern et autres. Alors, des nouveaux chiffres qui, nous dit-on, soulignent encore une fois l'appétit du public pour l'impressionnante culture et l'incroyable héritage du Royaume-Uni. Mais par contre, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'à peu près 50% du public de ces institutions-là sont des touristes. Donc, des gens qui sont de passage. Alors, ça amène d'ailleurs, et quand on farfouille un peu autour de ces thématiques-là sur le web, ça amène différentes questions, à savoir, est-ce que justement on est en train d'assister à une touristiquisation, si on peut dire, pour inventer un nouveau mot, de la culture, et est-ce que finalement les stratégies des musées sont de moins en moins capables d'intéresser les gens à l'interne, les populations locales, mais par contre que finalement on a fait de la promotion marche quand même bien au niveau touristique dans la mesure où c'est des incontournables aujourd'hui, parce que le public touristique est en hausse de ce côté-là, mais le public local est en baisse. Ouais. Alors bon, on lance on la question. Verra. On met ça dans notre grosse pile. Et sinon, petite note cocasse, des croquis inachevés de Paul Cézanne ont été découverts par les équipes de la Fondation Barnes à Philadelphie, en Pennsylvanie, lors de travaux de restauration opérés sur deux aquarelles du peintre français. Ils se trouvaient au dos des œuvres La chair de l'étoile et Arbre, acquises en 1921, donc de ce côté. Réalisées l'une à la mine de plomb, l'autre à l'aquarelle, ces esquisses n'ont probablement pas été vues depuis le début du 20e siècle. Wow, ouais. Alors quand même, là, les correspondances entre les deux amateurs d'art laissent supposer que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, avaient connaissance de leur existence, donc l'acheteur et le collectionneur. Alors, en fait, vraiment, une découverte assez intéressante. Et d'ailleurs, le journal Le Monde a fait un petit dossier pour expliquer comment on a fait pour ne pas s'en rendre compte et aussi au niveau, justement, de la notion de réutilisation quand même d'étoiles. Donc, où on essaie quelque chose, ça marche pas, on tourne de côté. Donc, il y a une notion aussi de ce côté-là. Alors, si on veut creuser un peu, d'un côté les méthodes, de l'autre côté le pourquoi et les conséquences peut-être autour de tout ça, il y a un dossier sympathique, donc, de ce côté. Voilà, Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Tu le dis, je le redis, on peut trouver les liens pour la revue de presse sur le site l'aérospatiale.wordpress.com également. Là, les pièces de Simon Roy sont disponibles, l'émission est disponible en podcast. Et vendredi, on t'écoute à La Vie en BD. Comme à l'habitude. À 17h30. Voilà, merci. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Black Clouds de Cataract. Au retour, on discute avec Anne-Marie Bouchard. Thank you. Et voilà, on est de retour à l'aérospatiale où j'accueille la conservatrice de l'art moderne et commissaire de l'exposition 1950, le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser. Donc, Anne-Marie Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Donc, ben voilà, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était au mois d'octobre, ouais, à peu près, c'est au mois de novembre. Après ma nomination, en fait. Oui, c'est ça, là, tu venais tout juste de commencer au musée, tu avais un peu la broue dans le toupette, là, avec ta je l'ai encore, en fait. Tu l'as encore, c'est je ça. Je l'ai pas perdu, malheureusement. Voilà, va falloir t'habituer au nouveau look de la broue. Je pense que c'est ça. Et donc, ben voilà, donc l'exposition Lida Moser est commencée. J'aimerais savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené vers elle? En fait, c'est des discussions un peu informelles que j'avais avec Denis Castonguay, qui était le coordonnateur de l'exposition, puis Anne Échappas, la directrice des expositions. Puis c'était arrivé quelques fois qu'on avait eu l'occasion de parler du travail de Lida Moser, du fait que le fonds était à Bibliothèque et Archives nationales à Québec, donc à l'Université Laval. Et puis, je pense qu'on était tous les trois totalement sous le charme de la production de Lida Moser. Puis, on avait vraiment le sentiment que je pense que cette production-là avait 65 ans plus tard, donc quelque chose à dire aux Québécois sur leur identité, sur leur culture. Et qu'avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui est dans l'actualité, on avait le sentiment que c'était peut-être le moment de faire cette exposition. Donc, quand Anne Échappas, la directrice des expos, m'a proposé de faire le commissariat, ma réponse a été oui immédiatement parce que j'avais tellement le sentiment qu'on pouvait aller loin, même si on n'avait pas beaucoup de temps avec cette expo-là, puis que c'était une espèce de symbiose parfaite d'histoire, de sociologie, de vie culturelle, d'art, de photojournalisme. Donc, il y avait tout pour que ça puisse toucher vraiment un public large qui dépasse finalement le type de public qui vient parfois au musée aussi. Parce que ça c'est aussi d'une certaine manière des archives sur le Québec de l'époque, dont toutes les passionnées d'histoire ont vraiment trippé d'avoir cette expo-là. Oui, en fait, il y a de tout dans cette expo. Donc, juste ce qui est en filigrane de l'expo, que ce soit l'histoire politique du Québec avec la figure de Paul Gouin, l'histoire du folklore québécois. Donc, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Je pense qu'en fin de semaine, j'étais dans l'exposition, puis durant le vernissage la semaine dernière aussi, puis j'écoutais les gens faire des commentaires. D'abord, les gens restent longtemps dans l'exposition parce que ils se reconnaissent dans les photographies, ils reconnaissent des lieux, ils reconnaissent des vêtements, ils se disent « Ah, ça, c'est le petit manteau comme mon grand frère avait. » Puis c'est très drôle. Puis déjà, il y a cette dimension-là très un peu plus affective, mais les gens ont aussi des intérêts pour différentes dimensions de la vie québécoise des années 1950. Donc, ça touche les gens de différentes façons. C'est vraiment ce que je remarquais dans les commentaires que les gens faisaient. Peut-être qu'on pourrait retourner à la base. Pourrais-tu nous présenter Lida Moser, puis un peu là, son l'origine du projet là, qui l'a amené au Québec. En fait, elle est toute jeune quand elle arrive au Québec en 1950. Elle a 30 ans. Puis le seul, ça fait à peine 3 ans qu'elle fait de la photographie. Donc, elle a commencé la photographie à New York parce qu'elle a rencontré un photojournaliste qui lui a donné son premier appareil photo. Elle se dirigeait plutôt vers le cinéma à la base, mais elle a vraiment été séduite par le médium photographique puisque il y avait une certaine liberté en fait offerte avec le médium qu'elle trouvait pas dans le cinéma, c'est-à-dire sa capacité donc à produire les images et à les développer par elle-même sans avoir besoin nécessairement d'une équipe technique pour faire tout ça. Et donc elle a vite commencé à faire de la photo. Elle a travaillé finalement avec Berenice Abbott. Elle a travaillé dans son atelier à classer des négatifs de Jeanne Adjaye. Donc ça a beaucoup formé son œil. Berenice Abbott était quelqu'un d'extrêmement impliqué dans la mise en histoire de la photographie américaine et de la photographie européenne. Donc quelqu'un qui avait une grande culture générale. Et finalement en 49, Lida Moser commence à avoir des contrats. Et le premier contrat qu'elle va avoir, c'est pour le Vogue, mais pour aller faire un reportage sur la vie culturelle en Écosse. Et donc, elle part, traverse l'Atlantique, va en Écosse, fait un reportage qui est publié l'année suivante, donc en 1950, quand elle va venir au Québec. Et la rédactrice en chef du Vogue, Aline Talmy, je crois, était tout simplement ravie du travail que Lida avait fait en Écosse. Et donc, va la convoquer à son bureau pour lui proposer un autre reportage. Et ce qu'elle va lui proposer d'emblée, c'est plutôt un reportage sur l'ensemble du Canada qui puisse entrer dans 6 pages. C'est vraiment comme le mandat, c'est trouve suffisamment de matière au Canada pour 6 pages, s'il te plaît. Moins de pages que de province, déjà, ça va pas bien. Là. Puis on imagine juste comme à quel point Lida Moser ne connaissait strictement rien du Canada pour s'imaginer qu'un tel mandat avait c'était une possible. Quelconque forme de logique. Là. Donc, elle connaissait finalement la GRC, le lac Louise. Ouais, c'est ça, comme la plupart des Américains là, qui savent pas que ça parle français dans le Nord. Là. Et donc, quelques mois plus tard, elle est arrivée à Montréal en juillet 1950, puis je pense qu'elle a eu un choc d'emblée. Quand je l'ai rencontrée l'année dernière, c'est la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait vraiment eu un choc en arrivant de voir les femmes qu'elle trouvait extrêmement élégantes et les hommes aussi. Elle trouvait qu'il y avait une espèce de dynamisme culturel qu'elle a senti tout de suite, qui était à 1000 lieues de ce qu'elle avait imaginé trouver. Là, elle s'imaginait vraiment qu'elle s'en venait dans un village médiéval avec les gens habillés dans des frocs, là. À peu près. Bon, au moins, il n'y avait pas de pagne là, dans son imaginaire. Mais finalement, peut-être que ce qu'elle s'attendait à voir à Montréal, elle l'a finalement vu plus tard quand elle a visité le restant du Québec, c'est-à-dire vraiment des lieux pétris de traditions avec des rituels ruraux plus qui donnaient vraiment un accès plus à ce qu'avait été le Québec du passé. D'emblée à Montréal et à Québec, c'est pas ça qu'elle a trouvé. Puis ça, je crois que ça l'a fascinée tout de suite parce que il y avait tellement de liens qu'elle pouvait tisser entre Montréal et New York. On le voit dans les photographies, là, sa manière de travailler, puis même, les paysages. Il y a des images de Montréal qui m'ont fait penser à des brownstones de New York. Ben voyons donc, OK, j'avais jamais remarqué ce parallèle-là avant. C'est sûr que la photo en noir et blanc c'est sûr que n'avait ça pas aide. La couleur. C'est sûr que ça aide, mais quand on regarde la production qu'elle avait dans les années juste avant de venir au Québec, à New York, on voit vraiment beaucoup de liens formels directs avec les photographies qu'elle va faire en arrivant à Montréal. Donc, les grandes avenues rectilignes, l'architecture moderne, tout ça, c'est quelque chose avec lequel elle se sent très à l'aise pour travailler. Donc, ces stratégies visuelles viennent rapidement dans sa tête quand il s'agit de saisir le paysage de Montréal. Puis, ça change aussi, hein, parce que là, finalement, elle a rencontré Paul Gouin, puis elle s'est avérée faire une tournée du Québec plutôt que de l'ensemble du Canada. Puis encore, le monde, disons, peut-être... la vallée du Saint-Laurent, pas jusqu'en Gaspésie, on revient. Ça change hein, d'une ville à l'autre. On voit vraiment, là, on sent qu'elle s'imprégnait des endroits vraiment où elle était pour essayer d'en saisir la particularité ou de ressortir quelque chose. Mais c'est fascinant, en fait, parce que, un, elle avance à l'aveugle sur le territoire, elle connaît rien, donc elle ne sait jamais ce à quoi elle va être confrontée et quels vont pouvoir être les sujets qu'elle va développer photographiquement une fois rendue à l'endroit où elle s'en va. Donc, elle n'a aucune idée de tout ça. Évidemment, elle a des excellents guides parce qu'ils connaissent tout le monde. Mais oui. Ils connaissent tout. Je veux dire, ils connaissent toutes les maisons qui ont une architecture particulière, donc c'est vraiment parfaitement guidé. Mais on le voit, dès qu'elle arrive à Québec, elle emprunte des stratégies visuelles différentes pour cadrer le paysage, puisque là, on a vraiment affaire à une architecture qui est complètement différente de celle de Montréal, architecture centenaire du vieux Québec. Ben ouais. Ça va vraiment convoquer des références différentes dans sa tête. Et ensuite, lorsqu'elle arrive à la campagne, on voit qu'elle va vraiment aller chercher des références à l'histoire de la photographie des années 30, à l'histoire de la photographie américaine, qui là sont complètement différentes de ce qu'elle a fait à Québec et à Montréal. Donc, à chaque fois, elle trouve de nouveaux outils rapidement pour pouvoir saisir les sujets qui se présentent à elle, mais elle le fait avec une spontanéité qui, je veux dire, c'est fascinant de voir à quel point elle développe son sujet et elle arrive finalement à développer un propos sur tout l'espace, tout le temps du voyage. Elle a fait aucune recherche avant d'arriver ici, donc elle c'est vraiment une progression de son regard. On dirait qu'elle apprend vraiment à connaître le Québec tranquillement, et ça se voit, c'est palpable dans son travail. Donc juste ça, ça démontre, je pense, sa grande sensibilité, puis son humanisme aussi qui faisait qu'elle arrivait vraiment à vite entrer en contact avec les gens, puis à établir des relations vraiment de proximité. C'est ça, puis on le sent aussi, là, parce qu'au fur et à mesure, on avance vers la Gaspésie, et là, on voit de plus en plus de portraits. On voit des portraits d'enfants, entre autres, un homme là, dans son atelier de tapisserie. Je pense que c'est plus dans le Bas-Saint-Laurent. C'est Georges-Édouard Tremblay, en fait, qui est à la Malbaie, il est en Charlevoix. OK, dans Charlevoix, c'est ça. On sent vraiment qu'elle parvient aisément à entrer en contact, parce que cette tournée-là a duré quoi, 2 semaines? 2 mois, quand deux même. 2 mois, OK. Ouais, mais ils sont quand même, je dirais que le moment où elle est vraiment dans le territoire québécois, c'est peut-être 5 semaines, parce qu'elle a passé quand même un peu de temps à Montréal avant et après. Mais c'est quand même un assez long ben pèlerinage. Ouais. Puis ils ont passé pas mal de temps à la Malbaie, alors que c'est une section qui est pas tellement, j'ai pas beaucoup d'archives photographiques de la Malbaie, mais il paraît qu'elle est restée là près d'une semaine dans la famille de Paul Gouin. Donc, il y a vraiment sa capacité à entrer en contact avec les gens. Ça, c'est sûr que ça lui vient plus facilement parce que Paul Gouin est capable de lui présenter ces personnes-là et de faire l'intermédiaire aussi, puisqu'elle ne parle pas français. Mm-hmm. Mais je pense que ça l'aidait jusqu'à un certain point parce que le fait de pas pouvoir discuter avec eux devait vraiment focaliser l'attention de part et d'autre, de son côté à elle et du côté des sujets, sur la dimension photographique de la relation. Et l'observation l'observation. Les mots parlent, mais les gestes, parfois encore plus, sont vraiment d'une grande éloquence. Ouais. Et donc, on sent vraiment ça. Je sais pas, c'est vraiment... Je pense que, bon, même avec moi, elle avait été comme ça. Là. On s'est rencontrés une fois, puis tout de suite, c'est une personne qui a un côté immensément chaleureux. Et j'avais tout de suite ressenti ça avec elle. Je m'étais sentie vraiment bien tout de suite en sa compagnie. Ah ouais. Fait que ça devait être pareil pour les gens qu'elle rencontrait, en fait. Et dans l'exposition, je pense qu'il y a environ 170 photos. Si 189. C'est un peu moins que le dixième. Oui, sur 1700 photos. 1700, là, moi, quand j'ai vu le chiffre dans le dossier du musée, je me suis dit, OK, on est en 1950, on n'est pas en 2015, là, 1700 photos, tu sais, à l'ère du numérique, ça, il n'y en a pas de problème. Là, ça veut dire qu'elle était vraiment là, dans un état de constante... création. C'est incroyable. Ce qui est génial, c'est d'avoir accès aux planches contact. On en a numérisé plusieurs dans l'exposition. Les gens y ont accès sur des tablettes tactiles, sur des iPads, pour justement montrer aux gens tout ce qu'il y a comme photographie autour des photographies qui sont sur le mur, parce que ces 1700 photos, nous, on a fait une sélection à travers ça pour arriver à 189. Ça a été tellement incroyablement compliqué. Oh, sûrement. Ah, c'était épouvantable. C'était vraiment épouvantable. On en mettait une journée, le lendemain, on l'enlevait. Le surlendemain, on la remettait, puis finalement, on finissait par l'enlever, mais après, ça a torturé l'esprit pendant 4 jours. Donc, c'était épouvantable. Mais on s'est dit, à un moment donné, avec le coordonnateur de l'expo, Denis, qu'il fallait absolument numériser ses planches contact, ou du moins une partie, pour que les gens voient que, quand il y a une photo, on voit le sujet, mais quand on voit la planche contact, on voit vraiment comment elle a tourné autour du sujet arriver à prendre la photo, qui est finalement la photo emblématique de ce moment-là de son voyage, et comment finalement elle développe son sujet, quelle stratégie elle adopte, quelles erreurs elle peut faire, les cadrages, comment elle se reprend quand elle cadre pas de la bonne façon. C'est vraiment un accès direct au travail du photographe, la planche contact. Je pense que les gens vont quand même apprécier. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très fréquent de mettre les planches contact dans les expositions de photos, mais ça arrive de plus en plus souvent. C'est une bonne idée aussi, justement, ça accentue là, tout l'aspect pédagogique aussi, là, puis c'est un bon outil de médiation. Exact. Quand j'ai regardé l'exposition, j'ai été frappée par la sobriété de la mise en espace. Bon, les photos sont en noir et blanc, les murs sont blancs, la fantaisie, c'est le mur courbe au centre, comme ça, les photos, je pense, sont toutes à la même hauteur. Ouais. Vous avez vraiment là, décidé de garder ça, je sais pas, j'ai l'image de la route, en fait, là, mais ça me semble très linéaire comme mise en espace. L'objectif, c'était, un, de reproduire le trajet sur le territoire, donc de permettre aux visiteurs de refaire son parcours, puis donc de voir comment le sujet se développe, et en même temps, il y avait une autre dimension qui était vraiment importante pour le graphisme, et c'était le fait de conserver l'image du photoreportage imprimé dans un magazine, parce que c'est un photoreportage, donc c'était fait pour être imprimé dans un magazine. Et donc, les murs de la salle d'exposition ont été pensés comme des pages de magazine, avec le grand titre, qui est souvent le nom de la région, des images avec des légendes, puis des blocs de texte. Et donc, tous les cadres sont blancs, tous les murs sont blancs, avec cet objectif de donner un peu l'impression aux gens qu'au fur et à mesure où ils avancent dans le parcours avec Lida Moser, les images l'image s'imprime sur le mur comme il devait s'imprimer dans sa mémoire, comme il s'imprimait sur la pellicule dans son appareil photo. Et pour moi, je comprends parfois qu'on puisse avoir envie de trucs plus baroques, mais c'est 1950, c'est de la photographie noir et blanc, puis c'est une photographie qui s'inscrit vraiment dans l'histoire du modernisme, et donc je voulais vraiment qu'on ait une vision d'un design très moderne aussi, qui était là pour soutenir les photographies et non pas pour créer un autre type de discours, mais je voulais vraiment qu'on sente la page imprimée sur le mur. Donc ça a été la Simaise courbe, c'est un peu le fleuve, c'est un peu la pellicule, c'est vraiment la fluidité du voyage avec les fenêtres qui permettent de sentir parfois dans une région hors de l'autre région. On essayait vraiment de jouer avec des effets très, très subtils pour pas alourdir quelque chose alors qu'il y avait déjà 189 photos. Puis aussi pour pas distraire, justement, là, étant donné que c'est une grosse exposition. Ouais. Mais Anne-Marie Bouchard, j'avais deux pages de questions. Là, vraiment, là, j'avais même aminci mes marges en haut, en bas pour que ça rentre sur deux pages. Ben non, c'était vraiment intéressant. C'est moi qui en fais trop aussi. Là. Mais je te remercie infiniment. Merci. Donc, l'exposition 1950, le Québec, de la photojournaliste américaine Lida Mozart, est présenté au Musée national des Beaux-Arts jusqu'au 10 mai. Donc voilà, c'était Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne au musée et commissaire de l'exposition. On fait une pause, au retour, on discute avec Jean-Tiens de la France. Vous écoutez CKRL 89.1. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là, il chante, Polo. Mais avant qu'il passe à table, pour oublier l'exécrable, sûr et si âcre, goût de l'océan. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Monono Aware, une expression japonaise sans équivalent français qui décrit la poignante sensation du temps qui passe, plus précisément, apprécie la tristesse de la vie. Ça va être aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me sens revivre. C'est le soleil qui perce à travers les nuages? Ouais. Ça pue la liberté. T'as raison. C'est une belle journée pour partir à l'aventure. Une mise en scène de Marie-Josée Bastien et d'Harold Réaume, une création en complicité avec les étudiants. Du 22 février au 1er mars au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Pour information, 643-9833. Au Bal du Lézard, on termine le mois de février en beauté et en musique. Le 28 février prochain, dès 21h, le bal présente Simon Paradis, l'homme à tout faire qui chantera ses nouveaux textes à travers une folk pop éclatante. Il reste encore quelques jours, soit jusqu'au 28 février, pour admirer les œuvres de l'artiste multidisciplinaire Cindy Labrec. Et finalement, le 1er mars, c'est l'impro du bal. Ce dimanche, les mauves contre les rouges. Le bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Informez-vous sur lebaldulézard.com. Le Radioton de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Procurez-vous votre carte de membre de 25$ ou faites un don de 20$ et plus avant le 27 mars 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Pour renouveler votre carte de membre ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h ou par Internet avec le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul. Et pour en savoir plus, écoutantique.com. Oh. On est de retour à l'aérospatiale et j'accueille Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir Jean-Tiane. Bonsoir Julie, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. C'est notre thématique musée. En fait, c'est le printemps de la photo au musée, l'exposition de Brian Adams, l'exposition d'Elida Mazère et également on en a profité là, pour sortir les photos de la collection du musée, donc avec l'exposition Incarnation. Exactement, donc une exposition qui est montée à partir de la collection de photographies du Musée des Beaux-Arts de Québec. Du Québec, pardon. Donc une exposition résolument contemporaine. Oui. Donc vraiment là des photographies, des œuvres là de 1990 à nos jours. Une trentaine d'œuvres dans l'exposition qui prend une salle avec une thématique donc incarnation, une thématique autour du corps, le corps qui est très présent quand même dans l'art contemporain en général. Mm-hmm. Et la photographie aussi qui a pris une très grande place dans l'art contemporain depuis les années 90. Donc une photographie qui se fait œuvre d'art, une photographie qui se fait tableau, donc souvent des photographies très très grands formats. Oui, il y en a beaucoup des oui. grands formats. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Oui, donc une expérience un peu immersive, hein, contrairement à des photographies comme celle de Linda Mosser, qui sont tout petites, où il faut se rapprocher, qui ont plus un format magazine ou format papier, alors que là, on est vraiment dans l'art contemporain, dans la photographie tableau, qu'on appelle. Donc, autour du corps, donc on va avoir le corps qui, dans l'explication, si on veut, au départ de l'exposition, est opposé au corps photographié par le téléphone, photographier constamment le corps en surface. Et ici, on lui oppose un corps qui est plus profond, un corps chair. On va avoir un corps parfois situé, des fois morcelé, un corps qui va être évoqué dans les différentes photographies. On a beaucoup d'autoportraits aussi. Donc, le corps de l'artiste, l'artiste qui se présente à la photographie. Donc, en entrant dans la salle d'exposition, on se retrouve devant une série de 6 œuvres de Michel Campeau. Des ombres, en fait, c'est des autoportraits, c'est l'ombre de l'artiste qui se projette sur le sol, un sol végétalisé, donc on va avoir souvent dans le potager, on dirait, ou les plates-bandes avec des fleurs. Oui, exactement, donc il y en a un avec des petites rudbeckia. Ça fait comme des petits soleils, ça ressemble à des petits tournesols. Donc, on a cette ombre-là qui est projetée au sol et on a plus de facilité à voir ce qui est éclairé, alors que l'ombre vient un peu rendre la lecture un peu plus difficile. Il faut s'approcher. Ça peut évoquer un peu peut-être la nature comme miroir de la psyché des choses comme ça. La relation du corps à l'environnement aussi. Oui, exactement. L'être humain comme un élément de la nature, comme faisant partie de la nature. Donc on a plein de choses ici qui sont évoquées, des œuvres qui sont présentées également comme un tournant dans l'œuvre de Michel Campeau, mais on partira pas non plus sur toutes les démarches de tous les artistes. Ah non, parce que là... Oui, parce qu'on a quand même une trentaine d'œuvres. On a une très belle photographie de Raymond d'April, une photographie couleur également, un autoportrait encore une fois. Raymond d'April dans un miroir qui est caché derrière son appareil photo. Encore une fois, un tableau très bien composé, mais dans le quotidien. Et puis, il y a une dame qui est assise à la fenêtre. La fenêtre est grande ouverte. Il y a une petite table, il y a un lit. Donc, on est dans un appartement, quelque chose. Par la fenêtre, on voit un toit mansarde. Donc, on peut s'imaginer à Paris. Oui. Et puis, Raymond d'April est debout dans l'ombre. Et cette dame-là, un peu plus âgée, on pourrait deviner que c'est sa mère. Mais tu sais, il y a toujours ce mystère-là dans les images de Raymond d'April. Cette dame-là est éclairée par le soleil. Et tout se passe dans un miroir. Donc, la composition est quand même assez dense. Les objets qui se répètent, le bouquet de fleurs. On a le cadre du miroir qui vient couper l'image à droite. Ensuite, on a une photographie de Corinne Lemieux, un autoportrait encore, l'artiste qui est en pyjama, vêtements d'intérieur, qui est complètement allongé sur son propre bureau. Donc, l'œuvre s'appelle « S'étudier ». Donc, on est un peu comme un médecin qui examine sur la table d'opération. Donc, quelque chose comme ça. Avec des couleurs très, très vives aussi. Oui, des rouges. Le mur est recouvert de croquis, de photographies. On a ensuite un triptyque de Milutin Goubash, Birds, donc un autre portrait, deux portraits de ses parents qui ont la bouche en sifflement avec des sons d'oiseaux, donc une espèce d'enclave de Simès qui fait un peu le tour de nous. Donc, je vais pas toutes les décrire, parce que le temps va nous manquer. Vas-y avec tes coups de cœur. Oui, donc mes coups de cœur. Évidemment, celle que j'avais hâte de voir, c'était La Fêlure au cœur des corps de Geneviève Cadieu, qui a été présentée à Venise en 1990. Donc, Geneviève Cadieu, qui avait représenté le Canada. Cette année, c'est BGL. On est tous contents de ça. Donc, c'est un immense triptyque de trois photographies couleurs. Au centre, on a un gros plan de deux paires de lèvres entrouvertes qui sont enchâssées l'une dans l'autre, vues de profil. Et de part et d'autre, on a des gros plans du corps avec des poils et une longue cicatrices. Donc, des très, très gros plans. La composition est assez dynamique parce qu'on a vraiment ces cicatrices-là qui partent du bas à gauche, qui vont rejoindre le coin en haut à droite, qui viennent se rencontrer, où le baiser se rencontre au centre. Et c'est une œuvre de très, très grand format, immense. Donc, lorsqu'on s'approche, ça devient abstrait. Les photos du corps sont un peu floues. Ça devient quasiment une tapisserie, un motif. Il y a quelque chose d'un peu étourdissant, d'un peu malaisant dans cette œuvre-là, parce qu'il n'y a pas de passion dans ce baiser-là, il est assez figé. On a également présenté un magnifique diptyque de Evergone. Ouais. Donc, le titre « The Maid and the Black Cat are Dead ». Donc, ça réfère directement à la fameuse Olympiade de Manet, avec toutes les discussions qui ont pu tourner autour de cette Olympia-là qui avait présenté au salon, qui avait été... C'était le salon des refusés? C'était au salon des refusés? En tout cas... À peu près. Ouais, parce que je me semble le déjeuner sur l'herbe est au salon des refusés. Elle avait été donc très, très controversée pour l'époque. Et Evergone est reconnue aussi pour des photos qui vont aller chercher un peu dans la controverse. Donc, on a ici deux portraits. Un de sa mère et un de lui-même qui sont allongés sur de très grandes chaises longues en bois qui sont recouvertes d'un duvet, de coussins. Donc, deux portraits en noir et blanc en Polaroid grand format. Et ils sont présentés en coin et se font un peu face, un peu comme s'ils étaient en discussion. Hein. Et ils vont reprendre cette pose-là de l'Olympia de Manet. Et je vais finir avec... Mais avec toute l'absence d'idéalisation, en fait. Moi, c'est ça, j'ai trouvé que c'était c'était un peu cru, là. Exactement. Ça, je pense que ça répond justement... Tu parles de l'Olympia de Manet. On l'a trouvé cru aussi à l'époque. C'était une prostituée ou on pense que c'est une prostituée qui est représentée en Vénus. Puis là, on a ces deux-là qui réfèrent à une œuvre très célèbre aussi, là. C'est fort. Oui, très, très... vraiment, ce diptyque-là va chercher beaucoup... autant dans les références, mais aussi dans ce lien-là qu'on a à notre mère. Et on les regarde, on les compare, on les voit, on apprend à les connaître un peu au travers de la photo. Et puis... Peut-être un petit dernier, Jean-Diane? Oui, donc... Lequel, hein? Je regarde mon petit carnet, toutes les notes que j'ai prises. Donc, j'irai avec les deux clairs de Roberto Pellegrinucci. Donc deux visages qui se font face dans la pièce du fond qui font environ 9 pieds de haut là. Donc très très très très grands, qui sont composés de petites photographies d'environ 1 pied par 1 pied. Donc c'est une mosaïque qui va chercher toute la surface du visage et c'est extrêmement net, extrêmement précis, c'est en noir et blanc, extrêmement contrasté aussi et on a donc toute cette surface là de la peau qui est recouverte de sébum. de poils. Donc, il y a quelque chose de très répugnant, mais attirant en même temps. Toutes les photographies sont épinglées avec de longues épingles. Donc, ces épingles-là, avec l'ombre, ça devient un peu comme des poils aussi, comme ces gros poils qu'on voit, les sourcils, les poils de sourcils, les poils de cils sont énormes, mais en s'éloignant, il y a quelque chose de très apaisant aussi, parce que les visages ont les yeux fermés, sont toutes détendues, donc en s'approchant, s'éloignant comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent face à ces œuvres-là de Roberto Pellegrini Nucci, pardon, j'ai toujours de la misère à dire son nom, donc des œuvres de 1999, et les titres réfèrent à la date et le titre d'une œuvre, ça va être clair le 28 juillet 1999, 18h50 à 19h35. Ah ouais. Donc, toutes les photos, la personne doit être immobile pendant près de 45 minutes, un peu comme au début de la photographie. Ouais. Donc, il y a tous ces échanges-là qui se passent dans ces œuvres-là. Bien, Jean-Tiane, merci beaucoup. Je pense que tu me la recommandes. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est l'exposition Incarnation qui présente des photographies de la collection du Musée national des beaux-arts de 1990 à aujourd'hui. C'est présenté jusqu'au 10 mai. On fait une pause audio, on écoute Cataracte avec la pièce Somnambulism. On est de retour à l'aérospatiale et pour continuer cette émission, j'accueille le galeriste Michel Guimond. Bonsoir. Bonsoir. Depuis, on vous entend? Oui, allez-y. Bonsoir. Okay, c'est bon, je n'étais pas sûr de vous avoir entendu. Depuis dimanche, vous présentez l'exposition Fernand Leduc, Microchromie. Oui. Bon, Fernand Leduc, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Là, un des peintres majeurs de l'art du 20e siècle au Québec, signataire du Refus Global, automatiste à César, puis par la suite plasticien. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous appréciez, vous, personnellement, chez François Leduc, oui, chez Fernand Leduc, soit dans cette exposition ou dans l'ensemble de sa production? C'est une peinture qui vient nous chercher. Ben, on va parler de la microchromie, mais puis après ça, on parlera de l'ensemble de la production. Ouais. Mais dans les microchromies, c'est une peinture qui vient nous chercher. C'est une peinture de méditation qui nous oblige à nous arrêter devant le tableau, mais qui nous fait, à ce moment-là, c'est un tableau qui nous fait rêver. C'est un tableau de plaisir. Quand on regarde l'ensemble des tableaux sur un mur donné, l'œil va d'un tableau d'une couleur à l'autre, mais moi, je pense qu'on ressent un grand plaisir à ça. Ça pourrait être une peinture, à prime abord, qui est plus difficile, mais non, je pense que toute personne peut être apprécier cette peinture-là. Parce que les microchromies, ce sont des tableaux qui nous semblent, d'après ma barre, être des monochromes. Absolument. On pense mais, que c'est un tableau d'une couleur. Mais qui ne le sont pas. Puis on voit, à un moment donné, si on prend quelques minutes, on voit les couches de couleurs qui sont sous-jacentes. Il y a un tableau qui est jaune, puis en dessous, il y a du rouge. Un autre tableau qui semble être vert, mais il y a du fuchsia en dessous. Et il y a des tableaux, toute une série de tableaux qui sont plus blancs. Et ouais. Puis là, on sent bien les couches sous-jacentes avec des verts, des bleus, des gris, différentes couleurs, des jaunes. Puis c'est des tableaux aussi qui s'apprécient différemment parce que là, principalement, ce qu'il y a dans l'exposition, ce sont des pastels gras, oui. Surtout. Donc, des formats assez petits, là, des dimensions du papier. Donc, déjà, ça change notre rapport oui. À ces microchromies-là parce qu'il y en a fait des très grands Absolument. Formats aussi. C'est des tableaux qu'il a fait alors qu'il avait 90 ans. Quand même, ce qui est hein? Assez exceptionnel, ouais. Puis c'est extraordinaire en même temps, parce que cette production-là, je la trouve aussi belle que différentes productions qu'il a eues à travers sa vie. Elle a sa propre identité, sa richesse en soi. Puis ce qui est intéressant aussi à travers les microchromies, on s'est vu dimanche dernier au vernissage, oui. Puis je vous disais, j'ai l'impression que ces microchromies-là font le pont entre la dimension plus expressive de son automatisme des débuts, oui. Puis la dimension aussi plastique de ces années, justement, où là, il était plus dans le formalisme géométrique et tout ça. Et là, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la lumière. Absolument. Mais dans un aspect très, très simple, formellement aussi. C'est comme si... Ben, la démarche de Fernand Leduc, c'est une démarche qui a toujours été en évolution. Ouais. Il y a des grands moments de sa carrière. C'est une démarche qui a été une démarche de dépouillement. Évolution parce qu'il a fait partie... Il y a eu une production automatiste qui a évolué vers une production qu'on pourrait qualifier de plus plasticienne en 1955 jusqu'en 1970. Cette production plasticienne-là évoluait aussi vers quelque chose qui était soft edge, mm-hmm. Surface de couleur, mais plus molle. Non, moins les contours nets. Là, exactement. C'est moins les contours à la ligne là, ou les plans ouais. qui avec des arêtes. Et puis, en 1970, il y a un gros changement. On a l'impression que on a tout vu, qu'on ne peut pas aller plus loin. Puis tout à coup, il y a un changement majeur dans sa production. Il en arrive au microchromie. Mm-hmm. C'est en fait, en soi, un dépouillement très important. Et puis, ça devient une œuvre qui est très de contemplation, quelque part. Parce que là, bon, on le disait tantôt, on a l'impression de grands monochromes. Oui. Mais ça n'en sont pas. Mais reste quand même qu'on n'a pas plusieurs plans dans une même composition. On a des couches, oui. On a des transparences, tout ça, mais on n'a pas, par exemple, une ligne ou deux couleurs qui vont donner l'impression d'un espace de profondeur ou tout ça. Là, ça reste. Il me semble que c'est assez sans compromis aussi là, d'y aller avec. Les premiers microchromes étaient peints. Il y avait une image en dessous, un ouais. Peu comme on parlait des soft edge. Ouais. Il y avait des formes en dessous. Mais il y a eu tellement de couches par-dessus, de couches de couleurs différentes, que ça finit par presque disparaître. Par la suite, il n'y en a plus de ces formes-là. Mais en même temps, Fernand Leduc va se permettre de faire, dans une certaine mesure, quelque chose qu'il a refusé, qu'il a rejeté au départ, mais il revient à faire certains paysages. Mais encore là, la façon de travailler, puis le fait que ce soit recouvert de plusieurs couches de couleurs, on verra pas le paysage. Mm-hmm. Mais c'est plus un tableau de lumière, un tableau de couleurs. Mais ça paraît, ça, les paysages, parce que je vous l'ai même dit, je pense qu'on s'est vu dimanche oui. À la galerie, je disais, ça évoque le paysage. Je trouvais que ça me faisait penser au travail des automatistes aussi, oui. Même en étant là, un vocabulaire qui n'est pas... On voit pas, là, justement. Il y a comme un voile par-dessus, mais on sent l'ambiance du lieu, on sent l'instant présent oui, absolument. Aussi, là, dans ce travail-là. On sent l'atmosphère du lieu, où est-ce que c'est qu'il est. C'est trois séries qu'on présente. Ouais. Une série qui a été faite à Casano, à la limite de la Ligurie, où est-ce que c'est qu'il y a les grandes carrières de marbre à Carrare. Ouais. Et puis, c'est un endroit qui est sur le bord de la mer, où est-ce que c'est que les journées sont chaudes l'été, puis les nuits sont très fraîches. Puis, il y a toujours une brume le matin qui est très enveloppante. Alors, on voit toute une série de tableaux qui reflètent un peu cette atmosphère-là, qui est brumeuse, qui est beige, avec une certaine transparence. Dans les tableaux, les deux suites qu'il a faites au Mexique, là, on a quelque chose qui explose. C'est la couleur qui explose, c'est très vivant. Turquoise, rose, fuchsia, vert, bleu, des bleus lavandes. C'est encore là, c'est le reflet de ce qu'il voit, ce qu'il ressent probablement, que ce soit des bâtiments, des gens, de la façon qu'ils s'habillent, des fleurs, puis ainsi de suite. C'est intéressant aussi parce qu'il y a vraiment justement un contraste là, entre les deux lieux dont vous avez parlé. Si je ne me trompe pas, là, près de Carrare, est-ce que ce sont les tableaux gris, c'est ça? C'est les tableaux gris beige, oui, c'est ça, les rencontres, toute une suite de tableaux qu'il a fait et puis qu'il a mis après ça en paire. Des fois pour jouer sur le chaud, le froid, Mais je trouve ça intéressant parce que on a souvent dit de Fernand Leduc que c'est un théoricien, que c'est un grand pédagogue aussi. Oui. Puis moi, ça m'a particulièrement frappé justement en regardant ces rencontres-là, donc ces diptyques, donc justement avec le jeu de chaud-froid où on avait vraiment l'impression qu'il expose toute sa réflexion. Puis même, il a travaillé le cadre aussi. Est-ce que c'est lui qui les a fait, j'imagine? C'est lui qui a fait ses cadres, oui, tout à fait. Puis ça, c'est des peintures. On n'est pas dans l'acrylique non plus, là, il me semble, dans ces tableaux-là. Dans ces tableaux-là. Pas l'acrylique, dans les pastels. On n'est pas dans les pastels, on est dans l'acrylique. Puis ce qu'il appelait, lui, des laits d'acrylique, donc des couches très, très minces, de l'acrylique très dilué. Puis il va peindre au rouleau, il va faire une surface, il revient, il peut peindre 12, 15, 20 fois. La même surface avec des couches superposées qui laissent apparaître avec le temps une couleur qui pouvait être plus présente à la base, à l'origine. Puis ça nous oblige. Tantôt, j'ai parlé des formats. Bon, on disait qu'il a déjà fait des grands formats. Là, on s'approche, mais on garde toujours cette contemplation-là où ça s'apprécie dans le temps, ça s'apprécie dans la durée. On n'est pas dans le tape à l'œil. D'ailleurs, je lisais que Fernand Leduc avait dit, je cherche ma citation, mais à partir du chuchotement, c'est ça, une peinture qui ne fait pas dans le cri, mais dans le chuchotement. Donc, l'idée de la contemplation et de la durée s'inscrit tout à fait dans... Tout à fait. Je trouve que cette exposition-là, cette peinture-là est très d'actualité. Elle vient en opposition avec notre monde dans lequel on vit actuellement, où on est bombardé d'images. Constamment. On est vraiment dans la frénésie. Dans la frénésie, on voit des milliers d'images, de la couleur, des effets, tout ça. Là, tu arrives avec une peinture qui est très apaisante, qui est très centrée sur un élément, dans le fond, la lumière, comment on rend la lumière. On va pas peindre la lumière, mais on va la capter, on va la rendre, quelque part. Avec des tonalités, des ondes dans le tableau. C'est complètement une autre approche de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça serait parfait pour méditer? Tout à fait. Moi, je vous dirais que j'en ai une chez moi, et puis je trouve ça extraordinaire de vivre avec. On la met à un endroit où c'est calme, où on vit avec, on regarde, et puis on part. Voilà. C'est le rêve. Bien, c'est les microchromies de... Oui, je l'ai bien dit, de Fernand Leduc. Michel Guimond, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Donc, l'exposition, elle est présentée à votre galerie jusqu'au 15 mars. Oui. On fait une pause audio, on écoute Animals de Furnace, tiré de l'album Sleepers. C'est déjà la fin de cette édition de l'aérospatiale. Julie Gagné, ça m'a fait un plaisir d'être avec vous. Je remercie. Aïe, aujourd'hui, j'ai déparlé. Là. Voilà. Je remercie Michel Monette pour son travail à la mise en onde. Il remplace Jacques Gignac qui pouvait pas être présent cette semaine à l'émission. Donc, je remercie mes invités, mes collaborateurs également. Puis, je vous invite à visiter notre site, l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, pour l'émission en balado diffusion, pour les sélections audio, les liens pour la revue de presse également, pour les communiqués de presse en arts visuels à Québec, tout y est. Sinon, vous pouvez nous suivre également sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL avec Jules Chaumel et Folk d'Amérique.